إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication du livre intitulé أعلام سنة المنشورة du grand savant حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه رحمة واسعة. On s'est arrêté la semaine dernière à la question 162. À la question 162. يقول الشيخ رحمه الله كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة المخرج من الملة. Donc on a vu auparavant et on a détaillé qu'est-ce qu'était le kufr du point de vue de sa terminologie, que ce soit dans la langue arabe, que ce soit au niveau du shara, et on avait eu des questions qui se rapportaient à cela. Et on a vu également, avec la question numéro 161 et celle qui est avant, les différents points qui rentraient donc dans al-kufr, al-irtiqadi. Et on avait donc expliqué ce que c'était et les points qui rentraient donc dedans, à l'intérieur donc de ce sous-chapitre. Le cheikh va revenir à la kulli hal pour ce qui est de al-kufr al-i'tiqadi et inshallah ta'ala ce sera encore plus détaillé. Lorsqu'on a parlé du kufr, il est important, et pour compléter, que l'on parle donc des aqsam, donc des catégories du kufr. Et la question numéro 162, celle que nous pose le shir, est la suivante. Combien de catégories compte l'incroyance, mais cette incroyance qui est donc ici majeure? On va comprendre la question. C'est l'incroyance majeure. On ne parle pas de l'incroyance mineure ici. Sachant que, comme on l'a déjà vu, que cette incroyance se divise donc en deux catégories. Et lorsqu'on parle donc de division, c'est sous différents aspects, car ici on va voir qu'on parle bien également de aqsam, de division, mais sous un autre aspect. Lorsqu'on a parlé min aqsam al-kufr, on a dit in qasim min aqismain al-kufr al-akbar wal-kufr al-asghar, ça c'est suivant un aspect bien particulier. Donc c'est pour ça que lorsque l'on dit les catégories de l'incroyance aqsam al-kufr et qu'on répond par différentes réponses, c'est tout simplement qu'on peut faire ce qu'on appelle taqsimat, c'est-à-dire des subdivisions suivant des aspects bien précis. Taïb, ici l'aspect qui va nous intéresser et qui va donc rentrer dans cette question, c'est quelles sont ces catégories par rapport à leur origine. On sait que le kufr al-akbar, maintenant, il a plusieurs origines. D'où ça vient ce kufr? Et quelles sont donc à partir de là ces catégories? C'est dans ce sens qu'on va comprendre donc ici aqsam al-kufr, sous cet aspect-là. Et bien entendu, lorsqu'on a dit al-kufr al-akbar, le shir il va ensuite tout simplement à titre de détail. Sinon, lorsqu'il dit kam aqsam al-kufr al-akbar, automatiquement al-kufr al-akbar, on sait qu'annahu yukhrij min al-millah, c'est-à-dire qu'il fait sortir la personne qui tombe dedans de la religion. C'est-à-dire qu'il ne sera plus un musulman, mais bel et bien un mécréant. Donc lorsqu'il dit al-mukhrij min al-millah, c'est à titre tout simplement de supplément. Sinon, on comprend déjà. Et la personne qui a déjà donc étudié avec nous ce qui a précédé, on comprend déjà que al-kufr al-akbar, automatiquement, c'est celui qui fait sortir de la religion. Contrairement à al-kufr al-asghar, donc l'une des différences, et qui est une des différences majeures entre ces deux catégories de kufr, c'est que al-asghar, lui, ne fait pas sortir de l'islam, contrairement à al-akbar. Et d'autres, inshallah, différences qu'on aura peut-être l'occasion de voir. Le shir va donc répondre à ce qu'il a dit. علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام. Donc il va nous répondre directement à cette question. Il va nous dire qu'il y a quatre catégories. Taïeb. Lorsqu'il dit qu'il y a quatre catégories, il faut savoir que ces catégories qui ont été énumérées par les savants, Taïeb, c'est en réalité un ijtihad de leur part. C'est-à-dire un effort d'interprétation. Ils sont revenus au Coran et à la Sunna, et ils ont à partir de là fait ressortir, après donc l'étude minutieuse des textes, ils ont fait ressortir les différentes formes que prenait le kufr et ses différentes origines. Et à quoi revenait en réalité le kufr, à partir de là quelles en étaient les causes. Il faut savoir que ces formes donc sont multiples et variées. Et c'est pour ça qu'on voit que le shirk, lui, il va en compter 4. On va voir que certains savants vont en compter 5. Et que d'autres vont encore en rajouter 1. Il faut savoir qu'en réalité, et ça c'est donc à titre de complément, que lorsqu'on revient aux différents textes ou paroles des savants, on va retrouver en réalité 6 catégories. Le shirk en cite 4, mais il faut savoir qu'il y a d'autres catégories qui ont été énumérées. Donc ce que l'on va faire, c'est lorsque la personne va lire dans un autre livre et peut-être va trouver dans ce livre une autre catégorie, elle va peut-être s'interroger. Pourquoi ce savant-là, il nous a cité 5 catégories? Pourquoi l'autre savant, il nous a cité 4 catégories? On a dit c'est un ijtihad de la part des savants. Donc certains en ont vu 4, d'autres en ont vu 5 et d'autres en ont vu 6. Et donc pour compléter ici, on citera les 6 catégories. Les 2 catégories en plus qui ont été citées par les gens de science comme Ibn al-Qayyim, comme Mohamed Ma'ad al-Wahhab, Rahmatullah al-Jamir et d'autres savants. Pour donc, en réalité, avoir un cours qui va être complet et avoir donc une vue d'ensemble par rapport à ce sujet sur tout ce qui a été dit aux ijtihad par rapport aux efforts d'interprétation des savants. Et on va commencer, bien entendu, par ce que nous a cité le shir, les 4 que nous a cité le shir. Donc il va nous dire, et ici, on aura besoin donc, et on va détailler d'où viennent ces termes, pourquoi ces termes ont été utilisés. Donc on va faire un détail pour bien que ça soit ensuite ancré chez tout le monde et qu'on ait la possibilité d'assimiler et de mémoriser de manière parfaite, inshallah. La première catégorie que le shir il va citer, kufr al-jahl wa takdhib. Kufr al-jahl wa takdhib. Donc le premier terme que l'on voit ici dans cette catégorie, c'est al-jahl. Al-jahl qui est l'ignorance. Le deuxième terme, at-takdhib. Pourquoi? Parce qu'il a donné en réalité 2 adjectifs à cette catégorie de kufr. Le deuxième, c'est at-takdhib. Donc il a dit al-jahl wa takdhib. At-takdhib, ça vient donc, c'est le masdar du verbe kadhaba, ou kadhib takdhiban. Et c'est en réalité le fait de démentir. C'est démentir. Rendre une chose mensongère. Par exemple, si on t'informe d'une information et tu ne veux pas croire en cette information et tu la dément, idhan tukadhibuhu ou tukadhib adhal khabar. Donc tu dément cette information. Ça, c'est at-takdhib. Également, ce qu'ont cité les savants comme adjectif et qui revient donc à cette catégorie de kufr, ils ont dit également, comme c'est le cas de l'imam al-Barawi dans son tafsir al-Barawi, il nous a cité kufr inkar ou kufr al-inkar. Donc on voit, en revenant donc aux paroles des savants, qu'il va y avoir 3 adjectifs qui vont être donnés pour déterminer cette catégorie de kufr. Al-jahl wa takdhib, comme l'a cité Hafir rahimullah, et également kufr inkar, donc inkar al-inkar, taïb, on peut le citer également comme l'a cité l'imam al-Barawi, taïb, dans son tafsir. On va expliquer ces termes là pourquoi ils ont été ensuite cités. Pour ce qui est donc de cette catégorie, qu'est-ce qu'elle représente réellement, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il nous dit l'imam al-Barawi, an la ya'rifu Allah aslan wa la ya'tarif bi. Et pour ce qui est de at-takdhib, il nous dit wa i'tiqadu كذب الرسول أو الرسول. طيب. Donc comment on va comprendre cela? Certains savants, ceux qu'ils ont cités, que c'était un inkar. Certains ont cité, comme Cheikh Hafid, ils ont dit que c'était al-jahl ou al-takdhib. Tayyib. Pourquoi tous ces termes-là? Si on prend le premier terme, al-jahl, et si on prend le terme inkar, pour comprendre la relation qu'il y a entre eux, c'est que tout simplement, le cœur yunkir. C'est-à-dire que le cœur, lui, il va donc renier. Yunkir, nam. Renier. Inkar al-qalb. C'est-à-dire, donc le fait que le cœur, il renie. Raji' ila jahli bin munkar. C'est comme ça qu'on va le comprendre. C'est-à-dire que pourquoi les savants, ils ont dit que c'est une ignorance, un kufr qui vient donc de l'ignorance. Quand en réalité, lorsqu'on sait que le cœur, il va renier. Lorsqu'il renie ce cœur-là, ça revient toujours à son ignorance. Il est en fait ignorant de ce quoi il renie. Et c'est le cas ici de cette catégorie de kouf, des personnes qui vont tomber dedans. Ils vont en réalité renier Allah, ils vont renier son prophète. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont connaissance réellement d'Allah et de son prophète. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Jahl, et c'est pour ça également qu'ils l'ont appelé Inkar. Et c'est également pour ça qu'ils l'ont appelé At-Takdhib, parce que cela va automatiquement les induire ou les amener à démentir cela. À démentir cela. Donc At-Takdhib lui-même, il revient également à Inkar al-Qalb. À Inkar al-Qalb. Et si maintenant on comprend bien tout cela, on va savoir à partir de là que el-jahl, donc l'ignorance, pourquoi les savants l'ont cité ainsi, kufr el-jahl, parce que c'était en réalité la cause. Et c'est ce qui a poussé à que la personne devient kafir, an yakfur ibn Adam. Ça, c'est la cause. El-jahl, en réalité, elle est la cause. Donc lorsqu'on dit kufr el-jahl, c'est la cause. Tayyib. Pour ce qui est maintenant, lorsqu'on dit kufr el-inkar, en réalité, ceux qui ont dit que c'était kufr inkar, ils ont regardé par rapport à l'action du cœur. Et ça, c'est l'acte en réalité du cœur. Lorsque le cœur yunkir, il renie, ça revient dans ton cœur. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé kufr inkar. Et on a vu que maintenant la relation entre l'inkar et le jahl, c'est tout simplement que lorsque le cœur il renie, cela revient donc à cette cause-là qui est le jahl. Wayajhal bil munkar. Ignore en réalité ce dont il a renié. Tayyib. Et ceux qui ont dit at-takdhib, ça revient en réalité, ils ont regardé par rapport à l'action de la langue, par rapport à l'action de al-lisan. Al-lisan, la langue. C'est la langue en réalité qui va donc démentir. De par la langue, la personne va démentir. Donc on revoit que al-jahl, c'est la cause. Al-inkar, c'est l'action du cœur. Et al-takdhib, c'est l'action de quoi? De la langue. C'est comme ça qu'on va donc comprendre pourquoi les savants, ils ont tantôt nommé kufr al-jahl, ou tout kufr al-takdhib, ou alors kufr al-inkar. Al-jahl, al-takdhib, al-inkar. Maintenant, on va revenir. Donc, on va le faire chose par chose pour pas donc mélanger. Et poursuivre, on va revenir donc à la question. On va passer à la question 163. Pourquoi? Parce que le chien, en réalité, après avoir cité les quatre catégories, il va donner des preuves de ces catégories-là. Il va nous donner donc la définition ou l'explication de ces catégories à travers donc les preuves également qu'il va nous donner du Coran. Du Coran. Donc c'est pour ça qu'on passe à la question 163. Après on reviendra à l'autre catégorie. On reviendra à la question ensuite 164 qui va expliquer la deuxième catégorie, etc. Taïb. Dans la question 163, tout simplement, la question est la suivante. Mahwa kuful jahli wa takdhib. C'est-à-dire, quelle est donc l'incroyance? Qu'est-ce que l'incroyance de l'ignorance et du démenti? Du fait donc d'ignorer et de démentir. Il nous dit le shir wa makana dhahiran wa batinan. Il dit c'est ce qui est donc apparent et c'est ce qui est en même temps interne. Al-jahl wa at-takdhib. Et c'est à partir de là qu'on va comprendre ce qu'on a expliqué nous auparavant lorsqu'on a dit que al-jahl, ça revenait donc à cette cause même. C'est-à-dire donc qu'il y en est la cause. La cause, c'est donc l'ignorance. Et cette ignorance, bien entendu, elle est dans beaucoup de cas cachée. elle est dissimulée. Wat takdhib, c'est le fait donc également, c'est donc le fait de démentir. Et le fait de démentir, on a vu que ça se passait par la langue, bil-lisan. Et donc, c'était ce qui va entrer dans al-zahir, dans ce qui va être apparent. Lorsque la personne, elle dément, elle le fait de par sa langue. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va savoir que c'est un kafir. Pourquoi ? Parce qu'elle va faire apparaître ce kufr-là. Et même s'il revient à la base, donc, il revient à la base d'une croyance. Ça revient à l'irtiqad. Et donc, ça revient également au cœur. Et à ce moment-là, ça sera donc batin. C'est pour ça, il dit, wa makana dhahiran wa batinan. Donc, c'est à la fois apparent et c'est à la fois caché, dissimulé. Et il nous dit, karalib al-kuffar min Quraysh. Comme la plupart, donc, des mécréants parmi les Quraishites. Wa min qablihim min al-umam al-ladina qala Allahu ta'ala fihim. Et également, des autres communautés qui les précédèrent, qui ont précédé donc Quraysh. Et dont Allah Azza wa Jalla a dit à leur sujet, yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالكتاب, ceux qui traitent de mensonge le livre, ici en l'occurrence le Coran, وبما أرسلنا به رسلنا, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, فسوف يعلمون, ils auront bientôt la science. وقال تعالى واعرض عن الجاهلين واعرض عن الجاهلين, et donc détourne-toi des ignorants. Donc Allah Azza wa Jalla il les a appelés ici al-kuffar, il les a appelés al-jahilin, donc qui sont donc juhal dans le livre ou dans le verset précédent alladhina kadhabu bil kitab. Donc on voit ici at-takdhib. Donc le shir, lorsqu'il a repris bien entendu ces termes là il les a pris du Coran. Et ceux qui ont précédé le shirk, tous ceux qui ont énuméré, les ont pris du Coran. Donc, de par même Allah, de par même le terme, on voit bien dans le verset Alladhina kadhabu. Et on a dit que le terme takdhib, qui est le masdar, ça revient au verbe kadhaba. Et ici donc, il est bien entendu conjugué au pluriel. Alladhina kadhabu bil kitabi wa bima arsalna bi rusulana. Fasawfa ya'lamun. Et donc, dans le deuxième verset, wa'arid anil jahilin, on voit bien entendu que al-jahilin ici, c'est Ismoul Fa'il, celui qui est tombé donc dans Al-Jahl, qui a fait preuve de Jahl, Al-Jahilin, et qui revient du terme Al-Masdar Al-Jahl, Al-Jahl. Et ensuite, l'autre preuve qu'il va nous donner, وَقَالَ تَعَالَى وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Donc ici, ce verset, on va retrouver dans la première partie du verset, ou dans le premier verset, mimman yukadhib bi ayatina, donc c'est ici at takdhib. Et ensuite dans le deuxième verset qui suit, donc le premier c'était sourate al-Ghafir verset 70, et ensuite sourate al-A'raf verset 199, et ensuite le verset 83 et 84 de sourate an-Naml. Tayyib. Et donc ici on va voir également dans le verset donc 84 la relation qu'il va avoir entre At-Takdhib et qu'il va avoir entre le Jahl. Et on va bien voir ici, ça va apparaître de façon très précise, que le Jahl c'est bel et bien la cause de quoi ? De At-Takdhib. Donc c'est pour ça qu'on voit la relation et qu'on voit donc l'appellation de Kufr al-Jahl ou At-Takdhib, et également Al-Inkar, comme l'ont nommé certains savants. Et le deuxième verset qui est le suivant, hatta idha ja'u qala akadhabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma amma dha kuntum ta'malun. Donc le verset est le suivant, et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations. Donc ça c'est le premier verset. Mimman yukadhibu bi ayatina, qui démentaient nos révélations. Donc on voit ici démentir. Et qu'ils seront placés en rang. Puis quand ils seront arrivés, Allah dira, avez-vous traité de mensonges mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir? Donc regardez ici, walam tuhitu biha ilman, sans les avoir embrassés de votre savoir, donc de par votre ignorance. Ou que faisiez-vous donc? Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal leur a dit, qala akadhabtum bi ayati, vous avez donc démenti mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir. Walam tuhitu biha ilman. Donc on voit bien apparaître ici que c'est que c'était la cause de leur djahl, la cause de leur ignorance, qu'ils sont arrivés au point de du takdhib. Donc c'est pour ça donc maintenant qu'on comprend, à travers les versets qu'il nous a donnés, Hafidh rahimahullah, le shirk, que kufr al-jahl wa takdhib, c'est donc une relation de cause à effet. Et de même pour ce qui est donc de al-inkar, qui a été cité par certains autres savants pour désigner cette catégorie. Dans le dernier verset qu'il va citer, le shirk de même, il nous dit tabaraka wa ta'ala, بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. Regardez donc également ici, de façon claire, ça apparaît dans ce verset, qu'ils ont démenti. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en réalité ignorants, que la cause c'était l'ignorance. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. Et qui est le verset donc suivant? Bien au contraire, ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir. Ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. Et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Donc on voit également ici que le takdhib, c'était la cause de quoi? C'était à la base, cette cause, c'était le jahl, l'ignorance. Donc c'est pour ça qu'on a appelé kufr al-jahl wa takdhib. Et comme il nous l'a rappelé, le shirk, c'était le cas de la plupart des kuffar min Quraysh, de Quraysh, des Quraishites. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avant même que vienne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils vivaient dans le kufr, ils n'avaient pas la science, ils avaient en réalité l'ignorance de cela. Ils avaient l'ignorance. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, de par cette ignorance qu'ils avaient, ça les a amenés à an yukadhibou. Ça les a amenés donc à qu'ils démentent cela. Et qu'ils demandent donc les signes d'Allah azawajal de par leur djal. Walam tuhitu biha ilman, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ensuite, la deuxième catégorie. Donc on a vu cette catégorie, on l'a compris. Cette première catégorie du kufr. La deuxième catégorie, nous dit le shir, wa kufrun juhud. Wa kufrun juhud. Qu'est-ce que ce kufr, ou cette deuxième catégorie que le shir va citer? Qu'on va traduire le terme juhud, qui vient donc du verbe jahada, yajhad, qui est le fait donc de renier. Également que l'on traduit ici par le fait de renier, par le fait donc de renier et de ne point accepter. Ça, c'est l'appellation qui a été donnée par tous les savants pour ce qui est de ce kufr. Kufrun juhud, el juhud, kufrun juhud. Donc, qui vient du verbe jahada et qui donc renier, le fait donc de renier, de ne pas accepter. Il va nous citer l'imam al-Barawi rahmatullah alayh, et de même l'imam Ibn al-Athir. Ils vont nous citer pour ce qui est de cette définition, an ya'rif Allah bi qalbi wa la ya'tarif bi lisani. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus une question de jahl. Donc on va sortir du jahl ici pour bien s'écarter de la première catégorie. Mais à ce moment-là, ces gens-là, ces kuffars-là, ils connaissent bel et bien Allah azawajal de par leur cœur, mais ils ne le reconnaissent pas de par leur langue. Ça, c'est ce qui nous est donné par l'imam al-Barawi. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, lui, l'imam Hafidh al-Hakami, rahmatullah alayh, à la question 164. Donc lui, il va expliquer maintenant la question 164 pour ce qui est de al-Juhud. Il va nous dire وَمَا كَانَ بِكِتْمَانِ الْحَقِّ بِكِتْمَانِ الْحَقِّ وَعَدَمِ الْقِيَادِ لَهُ ظَاهِرًا مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بَاطِنًا كَكُفْرِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ بِمُوسَى وَكُفْرِ الْيَهُودِ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Donc on retrouve bien ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire que le shir, il va nous dire, pour ce qui est de ce kufr-là, kufr al-juhud, il nous dit, il s'agit donc de dissimuler la vérité. Il dissimule donc la vérité. Al-kitman. Kitman al-haq. Et de ne pas s'y soumettre en apparence. Donc al-inqiyad, c'est comme al-istislam, le fait de ne pas obéir, de ne pas se soumettre à cette vérité. Alors qu'on la sait à ce moment-là. C'est plus une question de jahl, on connaît cette vérité. Zahiran, donc de façon apparente. On ne s'y soumet pas de façon apparente. Ma'al ilmi bihi wa ma'rifatihi batinan. Alors qu'on a la science de cela, de cette vérité. On a la science de cette vérité et la connaissance d'elle, et de manière dissimulée. C'est-à-dire donc, de par notre cœur, on sait bel et bien que c'est la vérité. Il va nous donner des exemples ici. Il va nous dire, كَكُفْرِ فِرَعَوْنَ wa qawmihi bi Moussa. C'est-à-dire comme la mécréance qu'ont eu Pharaon et son peuple par rapport à Moïse. Ils ont donc mécru à Moïse et le message avec lequel est venu Moïse. Et également kufr al-yahoud bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également la mécréance des juifs par rapport à Muhammad. Et le shir va nous citer les versets qui nous prouvent cela. Il va nous citer les versets qui vont nous prouver que Pharaon, il connaissait bien, il savait bien que Moussa c'était un envoyé et qu'il venait avec kalimat al-haq, qu'il est venu avec la parole de la vérité, avec le message de son Seigneur et de la vérité. De même, et pourtant il n'a pas cru, c'est-à-dire lorsqu'on dit il n'a pas cru, il ne s'y est pas soumis, il ne s'y est pas soumis. Wa jahada, c'est-à-dire donc il a renié, tout en sachant au fond de son cœur que c'était la vérité. De même les juifs lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est apparu, ils ont su que c'était bel et bien le prophète. Les juifs, ils l'ont reconnu comme ils ont reconnu leur enfant, et malgré cela, de par leur science et de par leur connaissance qu'ils avaient, ils n'ont pas cru, ils ont renié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont renié en étant le prophète, ils ont renié avec le message avec lequel il est venu. Donc à partir de là, ils sont rentrés dans cette catégorie du kufr. Et c'est pour ça que le shir va nous donner les versets qui correspondent donc à cela. Pour ce qui est de la première, l'incroyance de Pharaon, kufr, Pharaon, le qawmiyé de son peuple, c'est le verset suivant. يقول الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Donc ce verset-là, ils les nièrent injustement et orgueilleusement. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Ils y croyaient avec certitude. Donc on voit qu'ils ont renié, et le terme qui est employé ici, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est le verbe wajahadu biha. Et qui vient donc du terme al-juhud. C'est pour ça donc que les savants, ils ont pris de ce terme-là, kufr al-juhud, qui est le kufr de Pharaon, qui est le kufr également des juifs. Pour ce qui est de al-yahoud, pour ce qui est des juifs, regardez ce qu'Allah azzawajal, il a dit à leur propos. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Lorsqu'il leur est venu ce dont ils connaissaient, cela même qu'ils connaissaient, ils refusèrent d'y croire. Subhanallah. Donc on voit ici مَا عَرَفُوا, ce qu'ils ont connu. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Donc ils ont su et ils ont reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'y ont pas cru. كَفَرُوا بِهِ. Ça c'est kufr al-juhud, alors qu'ils avaient dans leur cœur la science. Également il a dit Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à ces juifs, wa inna fariqan minhum la yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan minhum la yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Et donc une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Ils cachent donc la vérité alors qu'ils savent. C'est pour ça que le shaykh avait dit au départ وَمَا كَنَا بِكِتْمَانِ الْحَقِّ بِكِتْمَانِ الْحَقِّ. Donc ils ont dissimulé la vérité. Ils savaient bien entre eux que Mohammed était venu avec la vérité. Ils savaient bel et bien cela de par leur cœur. Ils avaient donc la connaissance. Ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Mais en réalité, vu qu'ils n'ont pas cru, ils ne sont pas soumis, ils n'ont pas obéi de façon apparente, alors ils sont restés dans ce kufr-là. Kufr al-juhud. Ensuite le shir, il nous dit et il nous cite donc la troisième partie ou la troisième catégorie, et qui est kufr inadin wa istikbar. Donc également ici deux termes qui vont être employés par le shir, al-inad wa al-istikbar. Al-inad wa al-istikbar. Ce terme ou ces deux termes qui vont être repris par la plupart des savants. Qu'est-ce que veut dire al-inad au niveau de la langue arabe? Qu'est-ce que veut dire al-inad? On voit que un des grands savants de la langue, al-Azhari, yaqul an ya'rif ash-shay wa yaba an yaqbala. C'est-à-dire le fait de connaître une chose mais de renier de l'accepter ou de ne pas l'accepter, de se refuser à l'accepter. Wa yaba an yaqbala. Donc de se refuser à l'accepter. Ça c'est l'inad au niveau de la langue. Al-istikbar, c'est connu de tout le monde, al-istikbar, c'est en réalité l'orgueil. C'est pour ça donc qu'on va traduire al-inad que l'on peut traduire donc par le kouf du refus ou de l'indocilité. Du refus ou de l'indocilité. Taïb, kufr al-inat. Ou al-istikbar, bien entendu, l'orgueil. L'orgueil. Donc lorsqu'on dit refus ou l'on dit indocilité, donc c'est le fait d'avoir reconnu une chose, de connaître une chose, mais de ne pas l'accepter. Mais de ne pas l'accepter. Qu'est-ce qu'il va nous dire le shir à partir de là, à la question 165? Ma huwa kufr al-inad wa al-istikbar. Il nous dit wa ma kana bi'adam al-inqiyad lil-haqq ma'a al-iqrar bihi ka kufr iblis idh yaqulu Allah na'am. Donc wa ma kana bi'adam al-inqiyad lil-haqq, c'est ce qui est donc, ou c'est ce qui va apparaître lorsqu'on va ne pas se soumettre à la vérité. Il s'agit donc de l'insoumission à la vérité. L'insoumission à la vérité, ne pas se soumettre et ne pas suivre la vérité, tout en la connaissant, tout en la reconnaissant, ma'al-iqrar bihi, tout en la reconnaissant. Et ça, c'est à titre d'exemple kufr iblis. Kufr al-inad ou l'istikbar, c'est kufr iblis. L'exemple qu'il nous a donné, c'est le kufr du diable. Lorsqu'il a dit le diable, il yaqulu Allah ta'ala fihi, lorsqu'Allah azza wa jalla a dit à son propos, illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin, illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Donc dans ce verset, à l'exception d'Iblis qui refusa, donc on voit ici qui refusa aba, et donc ici ça revient donc au niveau de la langue arabe au terme al-inad, le fait de refuser sans flat d'orgueil, wastakbara, donc al-istikbar, et fut parmi les infidèles. Wakana min al-kafirin. Donc il est devenu lui mécréant de par ce kufr, parce qu'il est tombé dans cette catégorie du kufr, dans cette origine du kufr. Il a refusé, Abba, il était indocile donc par rapport à la vérité, et ensuite il s'est enflé d'orgueil. Et donc il fut parmi, le résultat fut parmi al-kuffar, il fut parmi donc les mécréants. Malgré qu'il reconnaît Iblis, il reconnaît bel et bien que c'est le haqq. Il reconnaît, il le sait que c'est le haqq. Malgré cela, il ne s'y est pas soumis. Il ne s'y est pas soumis. Et il s'est enflé d'orgueil par rapport à cette vérité. Ça a fait de lui un kafir. Donc ça, c'est une des origines du kufr et une des catégories donc du kufr. Mais en réalité, nous dit le shir, donc pour compléter, wa huwa lam yumkinhu juhud amrillah bisujud wala inkar. Donc il nous dit, il ne pouvait nier ni rejeter l'ordre d'Allah de se prosterner. Il ne pouvait renier et donc rejeter l'ordre d'Allah de se prosterner. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Wa inna ma ya'taraba alayhi wa ta'ana fi hukmi al-amir bihi wa 'adlihi. Wa qala a asjudu liman khalaqta tinan. Regardez ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en réalité lui, Iblis, il a contesté ce hukm, i'tarada alayh, donc cet ordre il l'a contesté, il a mis en cause la sagesse et la justice, subhanallah. Et donc ta'ana fi hukmihi al-amir bihi wa 'adlihi, donc la justice de celui qui en donna l'ordre, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a remis en cause la sagesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a renié, contesté cela, et de par en réalité son orgueil. C'est pour ça qu'il a dit dans ce verset du Coran, a asjudu liman khalaqta tinan, c'est-à-dire me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile. Regardez, pour renier, pour remettre en cause la sagesse et la justice d'Allah azawajal, comme si c'était un acte qui n'était pas juste de faire cela. Wa qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Donc regardez ici comment il a réagi, Iblis, et comment donc à partir de là il a refusé l'inad, l'istikbar, il s'est enflé d'orgueil par rapport à la création de cette personne là لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه. Regardez l'istikbar, je suis meilleur que lui. خلقتني من نار وخلقته من طين, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. C'est pour cela qu'il ne s'est pas prosterné. C'est pour cela qu'il est devenu un kafir. Parce qu'il est entré dans le kufr al-inat ou l'istikbar. Donc le refus, l'indocilité ou l'istikbar, l'orgueil. Ayadun billah. Et pour donner encore plus de précision, on va voir que Hafiz, rahimahullah, donc le shir, qui a également lu un autre livre qui s'appelle Ma'arij al-Qubul, et qui est un autre livre beaucoup plus détaillé que ce livre qu'il a écrit également dans le domaine de la croyance. Et il nous dit: وإن انتهى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار كإبليس وغالب اليهود. Il nous dit donc dans son livre Ma'arij al-Qubur, Cheikh Hafiz rahimahullah, il nous dit: وإن انتهى عمل القلب, lorsque s'arrête l'acte du cœur, donc on dit bien عمل القلب وعمل الجوارح, et l'acte donc des membres, مع المعرفة بالقلب, avec la connaissance du cœur, et donc la reconnaissance de par la langue, donc reconnaître de par la langue la vérité et la connaître de par son cœur, mais que l'acte du cœur s'arrête, se termine, et que l'acte également des membres s'arrête, il nous dit فَكُفْرٌ عِنَادُ وَإِسْتِكْبَارُ. Alors à ce moment-là, ça devient le kufr, donc qui est du refus et de l'orgueil, comme à titre d'exemple donc, Iblis. À titre d'exemple donc de Iblis, et également de beaucoup des Yahouds, de beaucoup des Juifs, qui eux sont également tombés dans l'istikbar, de par orgueil, que ce soit pas une personne qui soit de leur communauté, ils ont refusé d'y croire. Donc également les Yahouds, ils rentrent également dans ce kufr là, que ce soit kufr inad ou istikbar. Ensuite, pour ce qui est du quatrième que le Cheikh va nous citer, et c'est kufr nifaq, kufr nifaqin. Et donc c'est l'incroyance, elle couvre ici, de l'hypocrisie. Un nifaq que tout le monde connaît, qui est donc l'hypocrisie. Et c'est donc le dernier. Il va nous dire le shir à son propos, à la question 166, Yaqul, lorsqu'il nous dit ma wa kufru nifaq, wa ma kana bi adam tasdiq al qalb wa amalihi ma al inqiyad zahiran, ma al inqiyad zahiran, ri'a an nas ka kufri ibn Salul. Ensuite donc il va nous rapporter les versets. Donc ici, pour comprendre le kufr nifaq, qui en réalité est le nifaq lui-même, et qui en réalité est le nifaq al-akbar, bien entendu aussi on est ici dans le kufr al-akbar, et on sait que c'est donc un nifaq al-akbar, et donc une des catégories du kufr. Taïb, pour bien resituer les termes, kufr nifaq, il va nous dire le shir à ce propos qu'il s'agit de l'absence de la conviction. Taïb, Adam tasdiq al-qalb, c'est-à-dire que le cœur, qalb, la yusaddiq, c'est qu'il ne rend donc pas vrai, qu'il ne reconnaît pas donc la vérité. Adam tasdiq al-qalb wa amalihi, également donc son acte, donc l'acte du cœur. Donc il y a l'absence de ce tasdiq, on a déjà expliqué maintes fois, également de son wa amali, également de son acte, de l'acte du cœur. Alors que ils vont se soumettre de façon extérieure à la vérité, et ceci par ostentation. Et lorsqu'on dit ici par ostentation, c'est l'ostentation totale, complète, c'est-à-dire que chaque acte, tous les actes, il n'y a pas un seul acte qu'ils font sans que ce soit en réalité ostentation pour les gens, contrairement à ceux qui vont faire l'ostentation, ou que l'ostentation va apparaître sur certains actes, pas tous les actes. Par contre, la personne qui en arrive à que tous ses actes, et ça ne peut être que le munafiq, personne d'autre, ça peut être que l'hypocrite, que tous ses actes, sans une seule exception, ils soient faits et de façon totale et à la base même pour les gens, c'est-à-dire par ostentation, alors à ce moment-là, c'est tout simplement le kufr, c'est tout simplement l'incroyance. Ici, kufr nifaq, l'incroyance donc due à l'hypocrisie, qui revient donc à l'hypocrisie. Et comme on le sait, pour tous ceux qui ont étudié la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est de le cas de Ibn Saloul, wa Hizbi et son parti, qui faisait partie bien entendu, qui était à la ras al-munafiqin, à Médine, qui était bien entendu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, qui faisait partie de la tête des munafiqin. Donc il mettait en avant l'islam, en apparence, mais en réalité, il cachait donc le kufr à l'intérieur de lui-même. Et Allah Azzawajal a dit à partir où, en parlant de ces gens-là, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ. Donc il va nous rappeler, Cheikh, ce verset du Coran qui a traité de ces gens-là, les hypocrites. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et donc cette maladie qui est l'hypocrisie, le nifaq. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux, douloureux pour avoir menti. Donc on voit bien ici, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. De par leur langue ici, ils disent qu'on croit en Allah et son prophète. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Bon, Allah Azzawajal témoigne qu'ils ne sont pas comme, qu'ils ne sont pas des croyants. لَا يُؤْمِنُونَ. Donc ça, c'est المنافقين. Et c'est donc ça, كفر النفاق. C'est كفر النفاق. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il nous rappelle que par rapport à كفر النفاق, il nous dit وَأَسَاسُ النِّفَاق الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ الْكَذِبِ. C'est-à-dire la base même de l'hypocrisie. Et sur quoi est basée l'hypocrisie? C'est le kadhib, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils mentent, ces gens-là. Ils ne disent pas ce qu'ils ont à l'intérieur. L'intérieur est en contradiction avec l'extérieur. L'extérieur est en contradiction avec l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit wal munafiq la budda an takhtalifu sariratu wa alaniyatu wa zahiru wa batinu. C'est-à-dire que le munafiq, automatiquement, son intérieur est en donc totale contradiction avec son extérieur. Ça donc, c'est pour ce qui est de kufr al-nifaq. Ceux qui sont tombés dans ce coup. Taïb. Ça, c'est donc les quatre catégories que nous a citées le Shir. On a dit que d'autres savants, ils ont cité deux autres catégories. Et on va donc les citer, ces deux autres catégories, à titre de complément. Il y a d'autres savants comme l'imam Ibn Qayyim, rahmatullah alayh, qui ont rappelé un autre kufr qui s'appelle kufr al-i'rad. Kufr al-i'rad. Qui est le fait donc de se détourner. Un kufr qui est venu, qui a donc pour base le détournement. Kuf al-i'rad. Tayyib. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim il nous dit fi kitabi Madarij al-Salikin. Il dit "Wa amma kufr al-i'rad wa amma kufr al-i'rad." Donc pour ce qui est du kuf, de l'incroyance, du détournement. Donc al-i'rad, le fait de se détourner. Le fait de se détourner. Bien يعرض بسمعي وقلبي عن الرسول ولا يصدق ولا يكذب. C'est donc le fait qu'il va tout simplement détourner son ouïe, son audition et son cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا يصدق ولا يكذب. C'est-à-dire qu'il ne va pas le croire et il ne va pas le démentir. ولا يوالي ولا يعادي. Il ne va pas l'aimer et il ne va pas le détester. ولا يسرى إلى ما جهبي البتة. Et il ne va pas se pencher sur quoi avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça de façon constante, tout le temps, toujours. Cette personne là qui s'est complètement détournée donc de la religion, il s'est détourné de la religion, il s'est détourné de ce que avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce sens, il n'a pas dit c'est un menteur, il n'a pas dit ce qu'il dit c'est vrai, il ne l'a pas détesté, il ne l'a pas aimé, et il s'est en réalité complètement détourné de la religion de façon générale et de ce, bien entendu, avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là, elle est tombée dans kufr al-i'rad. Elle est tombée dans kufr al-i'rad. Donc le fait de se détourner. Ça, c'est pour ce qui est de la cinquième, que le Shir lui n'a pas cité, et que beaucoup de savants ont cité, comme Ibn al-Qayyim, et comme Shir al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab également. Et le sixième ensuite, et pour ce qui est bien entendu du verset, et ce verset avec lequel Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, il a pris comme preuve, c'est le verset fi surat al-Ahqaf, qui est le verset 3. Wa Allah azza wa jalla yaqul walladhina kafaru amma unziru mu'ridun walladhina kafaru amma unziru mu'ridun mu'ridun. Donc on voit le terme ici mu'ridun qui vient donc de al-i'rad. Mu'ridun. Donc ils sont eux, ils sont fa'iluna, qui sont eux qui ont fait l'action donc d'être dans les Arab. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Donc on voit ici, c'est le fait de se détourner. Et ensuite, le sixième et le dernier, que le cheikh lui n'a pas cité, qui ont été cités également par beaucoup de savants, c'est le suivant. C'est Kufr al-Shak, qui était cité par Ibn al-Qayyim et l'autre également savant. Kufr al-Shak, c'est en réalité l'incroyance donc due au doute. Donc l'incroyance du doute. Kufr al-Shak. Et Shak, bien entendu, qui est de Dulyaqin, qui est le contraire donc de la certitude. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim yaqul an la yajzim bi sidqi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kadhbihi bal yashukku fi amrihi. C'est-à-dire qu'il ne va pas être sûr et il ne va pas affirmer la sincérité du prophète, mais il ne va pas affirmer également donc le mensonge, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait menti. Il ne va pas affirmer cela, ni cela et ni cela. Bal yashuk, mais il est dans un état de doute fi amrihi. Il est dans un état de doute par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça en réalité, c'est du kufr. La personne qui a le doute par rapport à cela, qui a le doute, donc il suffit qu'il ait le doute par rapport à cela pour que ce soit un kafir, pour que ce soit donc, ça ne soit pas un croyant. Et pour ce qui est du verset qui a été cité, c'est Fisurat al-Kahf, c'est le verset 35. Et les autres versets qui viennent après. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla yaqul, wa dakhala jannata wa huwa dhalimun li nafsi. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طيب. Pour ce qui est donc de ce verset, surat Al-Kahf. ودخل جنته وظالم لنفسه. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même, donc de par sa mécréance. Il dit, donc regardez le terme qui va être employé ici. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ما أظن أن تبيد هذه أبدا. C'est-à-dire donc, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. وما أظن الساعة قائمة. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Donc أظن ici, qui vient du terme ou qui est proche du terme أشك. بمعنى وما أظن, c'est-à-dire أشك. وما أظن, c'est-à-dire أشك. Je ne pense pas. Je ne pense pas donc. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. C'est-à-dire donc j'ai le doute par rapport à cela. Donc ce doute-là, ça fait de lui un kafir. Ça fait de lui un kafir. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Donc on voit qu'il a eu le doute par rapport à quoi? Il a eu le doute donc par rapport au jour dernier. Et ce doute-là a fait de lui un kafir. A fait de lui donc cela un kafir. C'est pour ça qu'à la suite du verset, قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Donc on voit ensuite la suite du verset lorsque son compagnon قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. C'est-à-dire, as-tu donc été mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme. Donc on voit qu'il a dit akafarta billadhi khalaqak. Donc c'est bien et bien, il est bien tombé dans le kufr. Et cette cause du kufr, c'est avon, c'est-à-dire donc le doute. C'est donc ici le doute. C'est donc la preuve pour ce qui est de kufr shak. Donc si on récapitule tout ce qui a été dit, les quatre catégories que nous a citées le shir, Hafiz al-Hakami rahmatullah alayhi dans son livre, ça a été kufr al-jahl wa takdhib. Et que l'on dit également Al-Inkar. Ensuite, le deuxième, c'était Kufr al-Juhud. Kufrun Juhud, ou Kufr al-Juhud. Ensuite, le troisième, c'était Kufrun Inad wa Istikbar. Kufrun Inadin wa Istikbar. Le quatrième, c'était Kufrun Nifaq. Le cinquième, c'était Kufr I'radin, ou Kufr al-I'rad. Kufrun I'radin. Et donc, le cinquième, ou le sixième et le dernier, Kufrun Shak. Kufr Shak, c'est-à-dire donc l'incroyance due au doute. Ça c'est pour donc les six catégories. Et il faut savoir que le kufr, il ne sort pas de ces catégories, que dans toutes ces catégories, chaque personne lorsqu'elle n'est pas musulmane à la base, ou alors elle sort de l'islam, ça va revenir automatiquement à une de ces catégories. Il l'a fait par inad ou istikbar, soit ça a été par nifaq, soit ça a été par jal ou takvib, soit ça a été par juhud, soit ça a été par doute, par shak, ou soit ça a été encore par i'rab, par détournement, le fait de se détourner donc de la religion. Ça a été les six que l'on va retrouver lorsqu'on réunit donc les paroles des savants qui ont mis en place donc et qui nous ont rappelé ces aqsam, pris bien entendu du Coran. On a vu qu'à chaque fois il y a eu des versets du Coran qui sont venus appuyer ces catégories de kufr. Donc on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.